Bonjour, voici le 43e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous est une présentation des Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Ceci est un épisode test. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars, The Rise of Skywalker. Finalement, le dernier film de la nouvelle trilogie et de la saga Skywalker. Le début va un peu trop vite, mais assez tôt, le film avance plus normalement. Rien de révolutionnaire, mais amusant. Le film fait la job. Il y a beaucoup de fanservice, mais généralement pas trop. Quelques moments un peu ridicules ou un peu trop tirés par les cheveux, mais ça va. Il y a pas mal de déjà-vu, et pas seulement de la série Star Wars, mais je ne m'attendais pas à quelque chose de renversant jamais vu. Il ne reste plus qu'à attendre les inévitables futurs films. Serait-ce les nouvelles aventures d'un personnage vivant sous une fausse identité? Qui sait? C'est un divertissement correct. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne habituellement une note sur 5, 5 étant un chef-d'œuvre, 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 étant un divertissement honnête, 2 étant une œuvre moyenne, 1 étant une œuvre mauvaise et 0 étant une nullité absolue, telle que Trump qui n'est heureusement plus président des États-Unis en espérant qu'il ne le redevienne pas. Donc, puisque c'est un divertissement correct, je donne à Star Wars The Rise of Skywalker un 3 sur 5. Le grand combat final me donnait l'impression de regarder pas mal du Power Ranger. C'est le fun, mais c'est rien d'extraordinaire. Au revoir! Nous avons hâte de vous revoir! À la prochaine!